De l'huile dans les rouages sur Fadjet. Bienvenue sur Fadjet pour votre rendez-vous hebdomadaire de l'huile dans les rouages, présenté par Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour Yves. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Très très bien. On te retrouve pour la deuxième partie de cette question parce que le 30 avril, c'est donc la journée de la non-violence éducative en France. Tu nous as expliqué dans la précédente chronique un peu ce que c'était. Oui. Et on invite les auditeurs à aller, bien sûr, écouter cette chronique notamment. Alors, qu'est-ce qui peut amener justement à ces violences éducatives? Ben oui, parce que quand on est parent, évidemment, c'est pas toujours facile d'être dans le self-control, de savoir comment bien faire pour éduquer son enfant. Et en fait, d'après une infographie de la Fondation pour l'enfance que j'ai trouvée, qui date de 2022, on connaît 5 facteurs qui aggravent ou qui va faciliter le passage à l'acte dans la violence éducative, qui peut être physique, psychologique ou verbale. Le premier facteur, c'est la fatigue. Dans plus de 90% des cas, c'est ce qui fait qu'on perd le contrôle et on peut avoir des actes violents envers ses enfants ou quand on est un professionnel de l'éducation. Le deuxième facteur derrière, c'est les difficultés extérieures qui génèrent du stress. Par exemple, mon travail, les soucis d'argent. Le troisième facteur, c'est le manque de temps pour soi. Le quatrième, c'est l'éducation reçue, c'est-à-dire qu'on va reproduire sans se réinterroger. Et ça peut aussi être par loyauté envers l'éducation qu'on a reçue. Et puis, le cinquième, c'est la difficulté à comprendre le comportement de l'enfant. Par exemple, on peut croire que quand on dispute un enfant et qu'il sourit, il est en train de se moquer de nous, alors qu'en fait, aujourd'hui, on sait que c'est un système du cerveau lié à « je veux créer du lien » et c'est comme ça que ça marchait quand j'étais plus petit. Donc, si je te souris, normalement, tu t'apaises et tu rigoles avec moi et c'est pas du tout de la provocation. Donc, quand on méconnaît, on ne connaît pas le fonctionnement de l'enfant ou le fait que son cerveau mature pour les expressions des émotions, eh bien, on a une autre interprétation de ce qui se passe. Et c'est un peu tout ce que tu nous apprends chaque semaine aussi dans tes chroniques. Oui, voilà, je vous invite à aller réécouter les chroniques précédentes pour justement mieux comprendre le fonctionnement notamment du cerveau de l'enfant. Comment on peut faire? Alors la fatigue, il y a des choses qui sont difficilement évitables. C'est ça, il y a des facteurs qu'on ne maîtrise pas. Donc déjà, je vous invite à trouver des ressources. Vous avez des maisons de la parentalité autour de vous, vous avez des cafés parents dans des MJC, dans des espaces de vie sociaux. Vous avez le programme des 1000 premiers jours qui accompagne maintenant les parents dès que votre enfant est né pour vous expliquer ses stade de développement et comment être accompagné et comment bien accompagner votre enfant dans sa croissance. Osez en parler, osez poser des questions parce qu'en fait, être parent, c'est en fait un métier. C'est pas si facile que ça, c'est pas si instinctif que ça. Vous avez des ressources sur les réseaux sociaux, je vous ai déjà parlé de Papa Positive. N'hésitez pas, il n'y a pas de honte à aller voir un psychologue, un psychiatre, à en parler au pédiatre. Il y a les associations style Stop VEO ou autour de la communication non violente. Selon ce que vous préférez, écouter des podcasts, aller sur les réseaux ou aller dans les milieux associatifs, vous pouvez vous tourner vers ces endroits-là. Déjà, si vous avez fait le pas de vous rendre compte, ah ben non, j'ai pas envie d'agir comme ça, j'ai pas envie d'être dans l'humiliation, dans le rapport de force, je me rends bien compte que c'est contre-productif ou j'ai donné des fessées, je regrette, je voudrais réussir à éviter ça, c'est déjà un super premier pas en fait. Les solutions existent, elles sont nombreuses. Oui, j'ai aussi envie de vous donner 2-3 tips si on a le temps. On a parlé dans les chroniques précédentes du cadre. Être un parent bienveillant, ça ne veut pas dire oui tout le temps. En fait, on pose un cadre explicite, c'est-à-dire qu'il y a des règles de vie et c'est bien de les écrire et de les noter sur un papier et qu'elles soient là, visibles dans la cuisine. Le repas, ça se passe comme ça. La répartition des tâches, ça se passe comme ça. Pour aller à l'école le matin, avant telle heure, il faut que tout le monde ait fait ça et ça. Ça donne des repères ça à l'enfant. Ça installe des petites habitudes aussi. Voilà, ça installe des rituels et des habitudes. Et ça diminue les risques d'épuisement. Je vous invite aussi à aller vers plus souvent la réparation que la punition. C'est-à-dire si quelque chose a été dégradé, le réparer par exemple. Lui apprendre à réparer ou à ramasser le plus tôt possible quand quelque chose est dégradé et sans crier dessus justement, lui dire bah c'est ok maintenant, tu vois, il va assumer les conséquences de ses actes. Faire de l'accueil émotionnel, on en a beaucoup parlé dans nos chroniques. Comprendre que d'abord l'enfant a besoin de décharger des émotions et d'être accompagné là-dedans et être un exemple aussi là-dedans. Oser dire ce qu'on ressent et montrer comment nous on gère nos propres émotions, on les accueille, on les décharge, ça va déjà nous aider à prendre soin de nous. Et dans le dialogue aussi. Oui, par exemple, quand on a un problème de règle qui est enfreinte et qu'on voit que ça se répète, eh ben, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir ensemble à comment faire? Moi, je vois que tu tapes sur ta sœur tous les jours, ou comment on peut faire pour que ça ne se reproduise plus? C'est pas ok, c'est de la violence, c'est pas acceptable, comment on peut faire? Et des fois, on est étonné comment les enfants ou les ados peuvent proposer des solutions auxquelles on n'a pas pensé et qui marchent très bien. Vous avez vu que les facteurs, c'était la fatigue, les difficultés extérieures, le manque de temps pour soi. Une des choses importantes, c'est prendre soin de soi.